so far I just can't seem. So far away from me, so far away from me. So far away from me, I'm tearing on the kind of down the telephone. And you're so far away from me, so far I just can't see. So far away from me, you're so far away from me. Non, non, c'est le même, mais comme normalement il a deux guitares qui le font, même trois avec ça. Ce qui fait que la première guitare qui fait l'accompagnement, on l'entend pas normalement dans le disque. Puis en plus, c'est pas évident de chanter son truc là. Hein.